إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مع بعض. Ok, on a commencé dans le premier pilier de cette foi qui est al-imanu billah, le fait de croire en Allah, la foi en Allah. Et cela implique quatre choses. Et on a pris la première hier qui était awalan al-iman bi wujudillah, croire en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam. Al-yawm sanakhudh al-iman bi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi, inshallah. La foi en sa seigneurie et la foi en sa divinité. قال رحمه الله تعالى الثاني الإيمان بربوبيته، c'est-à-dire la foi en sa seigneurie, c'est-à-dire qu'il est le seul seigneur sans associé et sans assistant. Tout ce qu'il fait, il le fait seul. قال ورب من له الخلق والملك والأمر فلا خالق إلا الله ولا مالك إلا هو ولا أمر إلا له. قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر، وقال ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قتمير. C'est-à-dire que c'est lui qui domine et qui contrôle toute la création. C'est lui qui a la royauté de toutes choses. C'est lui qui a l'ordre, le décret. Il n'y a pas d'autre créateur que lui. Pas d'autre non plus roi en dehors de lui, c'est-à-dire roi dans la royauté absolue. Pas de décret ou pas d'ordre décrété, ce n'est par lui. Et Allah, il dit dans le sens, n'est-ce pas à lui que revient la création et l'ordre ? Il dit dans le sens, c'est votre Seigneur Allah, celui qui a la royauté, et ceux que vous adorez, ceux que vous invoquez en dehors de lui, ne possèdent même pas. Yani Qatmir, c'est la couche qui est autour du noyau de date. Pour la date, le noyau qu'il y a dedans, il y a une petite couche autour du noyau. C'est ça, Qatmir. C'est-à-dire, tout ce qu'ils ont, même demain, tu trouverais un roi en ce bas monde, ce qu'il possède, ça appartient à Allah, en premier lieu. Et c'est Allah qui lui a accordé. C'est ça qu'on veut dire, la royauté absolue. C'est-à-dire que même son royaume, ce roi, est dans la dunya, donc dans le royaume d'Allah, subhanahu wa ta'ala. ولم يعلم أن أحدا من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه وتعالى إلا أن يكون مكابرا غير معتقد بما يقول كما حصل من فرعون حين قال لقومه أنا ربكم الأعلى. Nous n'avons pas connu, nous n'avons connu personne dans la création qui ait renié la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, à part une personne qui serait un entêté obstiné, mais qui n'aurait même pas pour croyance ce qu'il dit. Comme on l'avait dit dans le vers précédent, comme les athées par exemple, qui prétendent ne croire en rien, au fond d'eux ils croient. D'accord ? Leur instinct, leur nature première, ils croient. Mais leur hawa, leur passion ne veut pas y croire. Comme cela fut arrivé à Pharaon, lorsqu'il a dit aux gens, dans le sens, je suis votre Seigneur le Très-Haut. Pharaon a renié l'existence d'Allah, sa seigneurie et sa divinité, et se l'approprié pour lui. Wa qala يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. Il dit, oh vous les notables, je ne vous ai pas trouvé de divinité en dehors de moi. C'est Pharaon qui dit ça. Donc non seulement il a renié la divinité, mais en plus de cela, il s'est approprié pour lui. Et on avait cité une faïda de Cheikh al-Islam dans Usul Salafa. On avait dit quoi ? Que toute personne qui n'adore pas Allah, qui ne place pas la ribada, l'adoration pour Allah, il la placera ailleurs. Tu es obligé d'adorer quelque chose. C'est-à-dire, les gens ne peuvent pas dire « je n'adore rien ». On dit « si tu adores, mais tu t'en rends pas compte ». Et car les adorations, les gens ne savent pas ce que c'est. Ils pensent que c'est la salat ou siyam. Non, il y a d'autres choses dans le cœur, les sentiments ressentis, qui sont des adorations. Et celui qui ne place pas sur Allah ou pour Allah, va le placer ailleurs. Donc il sera mouchrik, forcément. Il sera associateur, forcément. Comme c'est le cas de Pharaon. Qui s'est adoré lui-même. لكن ذلك قال الشيخ لكن ذلك ليس عن عقيدة. قال الله تعالى وجاهدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. Donc il dit cependant tout ce que Pharaon il a fait, il ne l'a pas fait par croyance et par obstination. Car dans le Coran Allah dit dans le sens et qu'ils ont renié, c'est-à-dire les signes alors qu'au fond d'eux, ils étaient sûrs. Ils ont renié en toute injustice et impunité. Mais au fond d'eux, ils en étaient convaincus que tout cela venait d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقال موسى لفرعون في محك الله عنه لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بسائر وإني لظنك يا فرعون مثبورا. Donc موسى par صوتك وموسى à la suite que موسى عليه السلام lorsqu'il a il s'est confronté à Pharaon, il lui a dit quoi? Tu as certes su, c'est-à-dire après qu'il ait sorti les signes avec son bâton, sa main lumineuse, il a dit je suis sûr, ou plutôt tu as su que ces signes n'ont été descendus que par le Seigneur des cieux de la terre avec clairvoyance, et je te crois certes perdu au Pharaon. Moussa lui a dit je sais que tu sais que c'est Allah cependant qui a dit tout cela. ولهذا كان المشركون يقرون بربوبية الله تعالى مع إشراكهم به في الألوهية. قال الله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. Donc là, c'était le cas des mouchirikoun à l'époque, des ancêtres de Quraysh à l'époque, qui eux-mêmes reconnaissaient Rububiya, la seigneurie d'Allah. C'est lui qui contrôlait tout, c'est lui qui créait, c'est lui qui donnait la subsistance. Cependant, ils lui associaient dans la divinité, dans l'adoration. Ils adoraient autre que lui. C'est pour cela que Allah dit dans le sens, dit, c'est-à-dire Mohammed dit à ces gens, Quraysh, à qui donc appartient la terre et ce qu'elle comporte? Si jamais vous saviez, ils diront à Allah. Dit, ne vous rappelez-vous donc pas? Dit, qui est le Seigneur des cieux, des sept cieux, et le Seigneur du trône immense? Ils diront à Allah. Dit, ne craignez-vous donc pas? Dit, qui a dans sa main le roi et la royauté absolue de toutes choses, et qu'il protège et qu'il n'est pas protégé? Si jamais vous saviez, ils diront, c'est Allah. Dit, donc n'allez-vous donc pas vous soumettre? Donc là, ces versets démontrent qu'ils savaient très bien tout cela. D'accord? Ils reconnaissaient Ar-Rububiyya. وقال الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. Si jamais tu leur demandais à ces gens qui donc a créé les cieux et la terre, ils diront certainement c'est Allah, le Aziz al-Alim, le puissant, l'omniscient qui les a créés, les cieux et la terre. وقال تعالى ولئن سألتهم من خلقهن ليقولن الله فأنا يؤفكون. Si tu leur demandais qui donc les a créés, c'est-à-dire les cieux et la terre, ils diront certes Allah. Et dis donc comment vous vous détournez. وأمر رب سبحانه وتعالى شامل الأمر الكوني والشرعي فكما أنه مدبر الكون القاضي فيه بما يريد حسب ما تقتديه حكمته فهو كذلك الحاكم فيه بشرع العبادات وأحكام المعاملات حسب ما تقتضي حكمته فمن اتخذ مع الله تعالى مشرعا في العبادات أو حاكما في المعاملات فقد أشرك به ولم يحقق الإيمان. Donc c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala détient le décret dans la législation par rapport à la religion et dans le contrôle de l'univers. Dans ces lois qu'on appelle lois naturelles. Quand on dit naturel, c'est juste que on croit pas en dame nature ou ça. On veut dire les choses qui sont liés au physique, à la création, que c'est lui qui contrôle tout et c'est lui qui décrète comme en mesure du besoin, on dira, par rapport à sa sagesse ou de ce qui implique une sagesse. Non. Donc c'est lui également qui est le juge suprême en ce qui concerne la législation et les adorations et les règles des échanges et de vie commune entre les gens, et cela également en mesure de ce qui est nécessaire. Donc celui qui prend avec Allah un autre législateur, si on peut dire comme ça, dans les adorations, et un autre juge dans les échanges, elle aura certes associé Allah et n'aura pas réalisé l'iman, la foi. Donc tout ça, Ar-Rububiyya, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a tout créé. Donc tout ce que nous subissons comme loi, c'est-à-dire lié à la création, C'est lui qui l'a décrété. Qu'on respire, qu'on cligne des yeux, qu'on ait besoin de dormir, de boire, de manger, toutes ces choses-là qu'on connaît, que ce soit les hommes ou les animaux, ou toutes choses, ça, ça rentre dans le décret d'Allah, son royaume. Et également, il a décrété des choses pour les hommes, pour les mukallafin, ceux qui sont responsables, sur qui s'appliquent les règles de la religion, pour savoir comment l'adorer et comment entretenir des échanges entre êtres humains. Il a décrété des règles et des lois. Maintenant, celles-ci, après sa volonté, nous reviennent à nous. On a le libre arbitre. Si tu veux, tu te soumets à l'islam et tu appliques. Et si jamais tu ne veux pas te soumettre, cela est ton choix. D'accord ? Cela te revient. On ne dit pas que tu as le droit. Tu n'as pas le droit à la base. Mais on ne peut pas te forcer à le faire. Mais yawm al-qiyama, tu seras du nombre des perdants. Quoi qu'il en soit, si des gens veulent trouver un terrain d'entente, on va dire, général pour tous les hommes, toute la terre, c'est l'islam. Il n'y a que l'islam. La réforme de la terre entière, c'est l'islam. Pour les hommes et les djinns. Et là, il dit, celui qui cherche autre chose que par la voie de l'islam, par le biais de l'islam, il aura associé Allah, ce matin-là. Il sera devenu associateur, donc mécréant. Et il n'aura pas réalisé la foi. Donc les lois, tant soient-elles liées à la création de l'univers, autant soit-elle liée à l'adoration et aux échanges entre les hommes, tout est géré par les lois d'Allah. Et pour ce qui touche aux hommes, les échanges et les adorations, c'est l'islam. Donc ça, c'est ce qui touche à la rububiyya. Et on avait pris une règle qui est que Tawhid al-rububiyya yastalzim Tawhid al-uluhiyya wa Tawhid al-uluhiyya yatadamman Tawhid al-rububiyya, c'est-à-dire la seigneurie implique la divinité. Et la divinité englobe la seigneurie. Et la seigneurie implique également les non-attributs. Car lorsque tu dis celui qui a créé toute chose, ça implique que tu lui donnes l'attribut de la création. Tu lui attribues le nom du créateur. Khaliq. Ça va ensemble également. Tout est lié. Donc maintenant il va dire As-salis al-iman bi-uluhiyati. Maintenant c'est de la foi en sa divinité. Après qu'on ait su qu'il a tout créé, qu'il a tout fait, qu'il a tout accordé, qu'il a tout donné, cela nous oblige à nous soumettre et à l'adorer. Car le fait d'adorer est en nous. Le fait d'adorer est en nous. Donc qui doit-on adorer maintenant? Celui qui a tout créé. Ça coule de source, c'est logique. Celui qui nous a créé, nous, qui nous a tout donné, on va les aller. Liazakol. أي ما معنى الألوهية بأنه وحده الإله الحق لا شريك له. Donc c'est-à-dire de croire qu'il est la seule divinité de vérité, c'est-à-dire qu'il mérite d'être adoré et qu'il n'a point d'associé. C'est-à-dire qu'on ne doit adorer autre que lui. والإله بمعنى المألوه أي المعبود حبا وتعظيما قال الله تعالى وإلهكم إله واحد La ilaha illahu ar-Rahmanu ar-Rahim. Donc le mot ilah vient du verbe aliha qui veut dire adorer. Al ilah c'est ism maf'oul bi ma'na al ma'lou. Ma'na al ma'boud, l'adorer, la divinité. Et il est adoré avec amour et comme on dirait glorification. Parmi les définitions de l'adoration, il y a ghayat al hubb wa al-dhul wa al-khudu', c'est-à-dire c'est l'amour extrême et la, comme on dirait, l'humilité totale et la soumission totale, l'adoration. C'est l'une des définitions qui a été donnée par Ibn Qayyim fi hadha al-ma'na. Tu ne peux adorer une chose que tu n'aimes pas et tu ne peux adorer une chose à laquelle tu ne te soumets pas. Tu ne peux adorer une chose face à laquelle tu ne te rabaisses pas. Donc cela implique l'adoration. Et l'adoration, tu nous rappelles la définition, tu te rappelles? Parole. Parole avant de cacher. Aimer agré, naam. Aywa, adakal. Qale wa ismun jami'a li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwal wal-af'al al-zahira wal-batina. Ah, c'est ça. Un nom d'ensemble qui réunit toute parole ou tout acte apparent ou caché que Allah aime et agré. نعم. وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Donc Allah atteste de lui-même qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée ce n'est lui, ainsi que les anges, ainsi que les gens de science qui sont équitables. Nulle divinité en droit d'être adorée ce n'est lui, il est le puissant et le sage. وَكُلُّ مَا يُتَّخَذُوا إِلَاهًا مَهَ اللَّهِ يُعْبَدُوا مِنْ دُونِهِ فَأُلُوهِيَتُهُ بَاطِلًا قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Donc toute chose qui est adorée en dehors d'Allah, à qui on attribue le statut de la divinité, le statut divin, tout cela est faux. Allah dans le sens il dit cela car Allah est la vérité et que ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. Et que Allah il est le très haut et le grand. Le plus haut et le grand. Wa tasmiyatuha aliha la yu'tiha haqq al-uluhiyya qala Allah ta'ala fi Lat wal 'Uzza wal Manat in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allah biha min sultan. Donc le fait qu'elle soit nommée ces autres choses comme divinité, cela ne leur donne pas pour autant le statut de cette divinité qu'elle soit adorée. Ce n'est qu'un nom, ce n'est qu'une appellation. Allah, dans le sens, il dit, en parlant de Al-Lat, Wal-Uzza, Wal-Manat, qui étaient les divinités des Arabes à l'époque, les plus grandes, il dit, dans le sens, ce ne sont que des noms que vous leur avez attribués, vous ainsi que vos pères, dont Allah n'a fait descendre aucune preuve. Car Lat, pris de Al-Ilah, Wal-Uzza, pris de Al-Izza, wa akada, qui à la base sont des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une règle en religion que même cite l'imam Sana'ani dans son livre Tathir al-Irtiqad. Il a dit en al-tasmiya la tughayyir haqiqat al-shay, que l'appellation d'une chose n'en change pas pour autant sa réalité. Parce que des fois, des gens changent les noms des choses pour les faire paraître parce qu'elles ne sont pas. Ça ne change rien. Par exemple, demain, je te passe un verre d'alcool, je dis c'est de l'eau de vie. Non, c'est du khamr, c'est de l'alcool. Le fait qu'ils disent eau de vie ne va pas leur rendre halal pour autant. Et aujourd'hui, des gens font cela. Et ça, c'était la sunna de Shaitan dans ce qu'il a appelé l'arbre interdit, l'arbre d'éternité de Mulk, il a dit. Allah, douloukal shajalti mulki wa khurdin la yabala. Adam, devais-je pas t'indiquer un arbre d'éternité et de royaume qui ne s'arrête jamais? L'arbre, à la base, était interdit à Adam. Donc, Shaitan est venu, il a changé son nom, sa forme, mais sa réalité restait la même. Pourquoi? C'est lorsque Adam et sa femme ont goûté de l'arbre, ils ont été sortis du Jannah. Donc, une nomination ne donne pas un jugement. Le jugement, c'est celui que Allah a décrété. Donc, même demain, on appelle ça, c'est une divinité. Cette pierre est une divinité. Bouddha est une divinité. Isa, Jésus est une divinité. Marie, sa mère est une divinité. Tout ça, on dit, c'est baratil. L'appellation ne leur donne pas ce statut-là. Bien qu'on sait que Isa, alayhi salam, et sa mère n'ont jamais agréé cela pour eux, de toute façon. Non. Donc, on a un Yusuf. أنه قال لصاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. Donc également Youssouf alayhi salam, lorsqu'il était en prison avec ses deux compagnons de cellule, il leur a dit: est-ce que des seigneurs divisés sont meilleurs ou bien Allah le seul et le dominateur absolu? Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez vous-même nommés, vous ainsi que vos pères, dont Allah n'a fait descendre aucune preuve. ولهذا كانت الرسل عليه الصلاة والسلام يقول لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولكن أبى ذلك المشركون واتخذوا من دون الله آلهة يعبدونهم مع الله سبحانه وتعالى ويستنصرون بهم. Donc c'est pour cela d'ailleurs que tous les prophètes, alayhi salam, ils disaient quoi aux gens? Adorez Allah, vous n'avez d'autres divinités en dehors de lui. Donc ils ont bien employé le mot ilah. D'accord? Le mot ilah a employé pour le faux. Mais cette nomination ne leur donne pas ce droit d'être adoré. Ce n'est qu'une nomination, une appellation. Et malgré que les messagers disent cela à tout leur peuple, les mouchlikoun de ces peuples, ceux qui étaient mécréants de ces peuples, parce que certains se sont convertis ou ont accepté, ils ont refusé. Donc ils ont pris ces fausses divinités en dehors d'Allah. Ils les adoraient avec Allah, ou même certains sans Allah, n'adorent que eux, et ils recherchaient le secours auprès d'eux. Akada. Le secours, c'est que Allah qui l'apporte. Comme encore le Ta'ala, « إِنْ يَنْسُلُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَحْذُرُكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْسُلُكُمْ مِنْ بَعْدِ » Que si Allah vous secourt, point de vainqueur sur vous. Si jamais il vous abandonne, qui va vous sauver? Sûrement pas ta pierre, ni Foulen, ni Bouddha, ni ce que tu as dans Allah. Il ne pourra rien faire pour toi. وَقَدْ أَبْتَلَ اللَّهُ تَعَالَى اتِّخَاذَ الْمُشْرِكِينَ هَذِهِ الْآلِهَةَ بِبُرْهَانَيْنِ عَقْلِيَّيْنِ. Que Allah, on va dire, certes réfuté et rendu faux ces divinités que les mouchtikoun prenaient par deux preuves rationnelles. La première, أَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذِهِ الْآلِهَةَ الَّتِي اتَّخَذُوا شَيْءٌ مِنْ خَصَائِصِ الْأُلُوهِيَّةِ فَهِيَ مَخْلُوقَةٌ لا تخلق ولا تجلب نفعا لعبادها ولا تدفع عنها ضرارا ولا تملك لهم حياة ولا موت ولا يملكون شيئا من السماوات ولا يشاركون فيه. قال الله تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. Donc c'est quoi la première? Il dit que c'est justement ces divinités qu'ils adorent en dehors d'Allah ne possède aucune des caractéristiques d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui sont propres. Elles ont été créées, donc elles ne créent pas. Ce qui a été créé ne peut créer. On parle là de la création absolue, pas de la fabrication de l'assemblage de pièces et d'éléments. Ni ne peuvent apporter un bien pour leurs serviteurs, ni repousser un mal. Elles ne peuvent rien faire. Elles ne possèdent ni la vie, elles ne donnent pas la vie ces choses-là, ni la mort, c'est-à-dire elles peuvent être une cause. Comme par exemple, une arme. Une arme peut tuer quelqu'un. Mais d'elle-même, non. C'est quelqu'un qui se sert de cette arme-là pour tuer quelqu'un d'autre. Mais l'arme en elle-même, elle ne décrète rien du tout. C'est un objet, inerte. Donc ces divinités ne peuvent ni décréter la mort pour quelqu'un, ni la vie. Elles ne possèdent rien du tout des cieux et de la terre. Ni même ne participent, elles n'ont aucune part. Alors là, dans le sens, il dit... Ils ont pris en dehors de lui corps des divinités qui ne créent rien du tout et elles-mêmes sont créées. Qu'elles ne possèdent pour elles-mêmes ni nuisance, ni bienfait. Et qu'elles ne possèdent ni la mort, ni la vie. Wa qala Allahu ta'ala, قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ نَظِيرٍ وَلَا تَنْفَعُ شَفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ. وقال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإذا كانت هذه حال تلك الآلهة فإن اتخذها آلهة من أسفح السفح وأبطل الباطل. Donc dans le sens Allah dit invoquez donc ce que vous prétendez en dehors d'Allah qui ne possède même pas un grain de maïs dans les cieux et dans la terre et qui n'ont même pas leur part dedans. Et que Allah n'a point d'ego parmi eux. Et que l'intercession, on va dire Nam Shafa'a, l'intercession ne sert à rien auprès de lui pour qui Allah ne l'a pas autorisé. Celui à qui Allah n'a pas autorisé l'intercession, cette intercession ne sert à rien du tout. Elle est vaine. Et il dit dans le sens, est-ce qu'ils associent ce qui ne crée rien du tout et qui sont eux-mêmes créés? Ils ne peuvent secourir ni eux-mêmes, ni ces gens qui les adorent. Akada. À adorer ces divinités dans cette situation-là, qui n'ont rien créé, qui ne possède rien, qui ne font rien, cela est la plus grande absurdité, la plus grande fausseté. Je ne sais pas si on dit comme ça ou pas. Donc ça, c'était la première invitation, basée sur la raison. La deuxième. وَثَانِي أَنَّ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا يُقِرُّونَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَحْدَهُ الرَّبُّ الْخَالِقُ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ وَهَذَا يَسْتَلْزِمُ أن يوحدوه بالألوهية كما وحدوه بالربوبية كما قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجهلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Donc la deuxième preuve, deuxième argumentation qu'on peut leur donner à ces gens-là, c'est que ces mouchrikoun reconnaissaient et agréaient Allah seul comme Seigneur dans Rububiya. C'est lui qui possédait toutes choses. Il avait le royaume absolu. C'est lui qui protège et qu'on ne protège pas. Cela implique qu'ils doivent l'unifier dans l'adoration tout comme ils l'ont unifié dans sa seigneurie. Ça va ensemble. Comme on l'a expliqué. Rububiya tastalzim al-uluhiya. Donc il coûte de source que si tu reconnais cela comme Seigneur pour Allah, la logique et la raison t'amènent à l'adorer seul. C'est pour cela que Allah, dans le sens, il dit: oh vous les hommes, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé et ceux d'avant vous, afin que vous craigniez. Celui qui a fait pour vous de la terre une étendue et des cieux, une bâtisse, et il a fait descendre des cieux de l'eau afin d'en sortir des fruits, en guise de subsistance pour vous. N'accordez pas à Allah d'ego, alors que vous le savez. Si jamais tu leur disais qui vous a créé, ils diront certes c'est Allah. Comment vous vous détournez? Donc il dit, dans le sens, dit: qui donc vous accorde la substance depuis les cieux, depuis le ciel et la terre? Qui donc possède l'ouïe ainsi que les vues, et qui sort le vivant du mort et le mort du vivant, et qui est-ce qui contrôle toutes choses? Ils diront c'est Allah. Ne craignez-vous donc pas. Et dit: voici donc votre Seigneur la vérité, et qui est-il donc au-delà de la vérité ce n'est l'égarement? Comment peuvent-ils se détourner? Donc là aujourd'hui on a pris deux points également qui en font trois dans la foi en Allah, qui sont la croyance, la foi en son existence. Ensuite, cela ne suffit pas. Il faut lui reconnaître sa seigneurie, qu'il connaît toutes choses, qu'il possède toutes choses, qu'il contrôle toutes choses. Également reconnaître sa divinité, qu'il est le seul qui mérite d'être adoré. Et demain, au Fidars al-Qadim, Sanakhouz, Al-Iman, Bi Asma'i wa Sifatihi. La foi en ses noms et attributs. Et celui qui ne croit pas en Allah avec tous ses points, il ne croit pas en Allah. Bien qu'ils disent: moi je crois au Créateur, je suis un croyant. Tu dois y croire comme cela. Sinon, ta croyance elle est vaine. C'est juste une connaissance et non pas une croyance. Naam. Fa naktafi bihada wa naqul subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.